Tiens. Joue pas au con, gros c'est carré. T'auras personne pour séparer. On prend des sous, des risques forts. Gros disque d'or, sont égarés. Numéro 1, je connais pas le hype. Mais là-bas tout le monde me connaît. Abandonne-moi, je remets les gaz. Je suis Mark Lander, je suis Pégase. Série de patates à la Pégase. 400 météores de Pégase. Pégase. Je suis Mark Lander, je suis Pégase. Check. Quand tu faisais tes pecs, prenais des packs, tu lançais des pics, on marquait l'époque, pour moi dans les blocs, on sont comme des pics, bon là c'est chaud qu'à pique, regarde pas en sombre, c'est imbécile, Timoko étrangle moi cet imbécile, je suis noir, je suis blanc, comme une madrasa, je suis un Mendy, comme Navasha, je suis plus que lui, plus que la rue, un boulevard, une avenue. Le passé conseille l'avenir. M'a déjà vu revenir à main nue. Les crapuleux, qu'oublie la peine. Qui monte le son pour pas entendre la dalle. Sors deux fois le sang, le coin de Chico. Gros là c'est trop pico. Joue pas au con, gros c'est carré. T'auras personne pour séparer. On prend des sous, les risques froids. Gros disque d'or, sont égarés. Numéro 1, je connais pas le hype. Mais là-bas tout le monde me connaît. Abandonne-moi, je remets les gaz. J'suis Mark Lander, j'suis Pégase. Série de patates à la Pégase. 400 météores de Pégase. Pégase. J'suis Mark Lander, j'suis Pégase. Ça lui fait, quand ça décroche, avec les yeux, je fais sa sacoche. Que Dieu te punisse, on dit amen. S'il le fait pas, je le ferai moi-même. Patate dans le front, nous m'y tombe pas. Tu fais les soldes, je paye les soldats. Je suis dans les tours, je lui prends son fou. Et tous les jours, je prends son pouls. Je veux pas ta mère, je veux pas ta fille. Je veux pas de grand frère, je veux Kadhafi. Je veux pas ta coupe, ta paraffine. Personne sur moi, à part mon phone. Le ciel fermé, ouvert nos caches. Autour de Guyane, bois du lait, hyper l'otage. Ça court, ça tire, un coup de patadouille. Ça va partir, en ratatouille. Joue pas au con, gros c'est carré. T'auras personne pour séparer. On prend des sous, les risques froids. Gros disque d'or, sont égarés. Numéro 1, je connais pas le hef. Mais là-bas tout le monde me connaît. Abandonne-moi, je remets les gaz. J'suis Mark Lander, j'suis Pégase. Série de patates à la Pégase. 400 météores de Pégase. Pégase. J'suis Mark Lander, j'suis Pégase.